Elles sont montées en elle une émotion familière. Quand son esprit déraille, elle repousse les frontières. Elle redevient canaille, elle ne peut plus rien y faire. Seule face à ses fantasmes, elle tremble, elle exagère. Elle s'allonge un peu prude, lentement, comme pour se faire attendre. Et d'un geste un peu rude, touche sa gorge déjà brûlante. Commence à dévoiler sa nudité dans une danse troublante. Elle frissonne, elle s'en amuse, mais déjà elle est plus loin l'attente. Surprise par un soupir venu troubler sa nonchalance. Sur son visage un sourire, elle remonte ses mains sur ses hanches. Elle est prête à s'offrir, elle est maintenant sans défense. Elle s'ouvre comme une fleur, elle s'oublie en confiance. Sa bouche s'ouvre et sa langue caresse ses lèvres en silence. Je prendrai bien soin de celle restée cachée entre ses jambes. Mais ce drap impudique a commencé sa satanée danse, bien serré entre ses cuisses. Il recule et il avance. Ses mains s'agitent et s'énervent, elle a le feu dans le ventre. Une douce moiteur émerge et vient parfumer sa chambre. Ses doigts effleurent ses seins délaissés, quelle inconscience, et viennent glisser vers ses reins. Elle se cambre avec élégance. La tête basculée en arrière, elle semble désormais en transe. Un doigt presque dans la chair, elle écarte avec insistance ses lèvres gorgées de plaisir qu'il appelle sans décence à venir explorer au plus secret de son ventre. Ses mains s'agitent et s'énervent, elle a le feu dans le ventre. Sur son visage un sourire, elle descend ses mains sur ses hanches, ses lèvres gorgées de plaisir qu'il appelle sans décence. Elle frissonne, elle s'en amuse, mais déjà elle est plus loin l'attente. Ah.